1. Bonjour, une petite question s'il vous plaît. Quels sont vos loisirs et quelle place ont-ils dans votre vie ? Des loisirs ? Moi ? Je travaille trop. Je n'ai pas de temps libre. Mais si, vous avez bien un petit plaisir. Eh bien non. Mes amis vont à la pêche, mais moi non. Je déteste la pêche. 2. Bonjour messieurs, pouvez-vous me dire quels sont vos loisirs et quelle place ont-ils dans votre vie, s'il vous plaît ? Mes loisirs ? J'aime bien aller au cinéma, mais c'est cher. Ma femme et moi, nous allons au cinéma une ou deux fois par an. 3. Et vous, monsieur ? Personnellement, j'adore le sport. Je vais au club 2 à 3 fois par semaine et le week-end, toute la famille fait du sport. 4. Madame, quels sont vos loisirs et quelle place ont-ils dans votre vie ? Moi, j'aime bien aller au musée. On fait des sorties culturelles avec nos amis tous les mois. 5. Pardon, quels sont vos loisirs et quelle place ont-ils dans votre vie ? Des loisirs ? Je ne sais pas. Ah, aller au restaurant. J'adore les sorties gastronomiques. Je vais au restaurant toutes les semaines. 6. Bonjour mesdames, une petite question. Quels sont vos loisirs et quelle place ont-ils dans votre vie ? J'aime beaucoup lire. Je prends un livre tous les soirs avant de dormir. 7. Et vous madame ? J'ai peu de loisirs. Je vais à la piscine 4 fois par semaine, mais c'est tout.